patron libre, ça me prend le chibre. Électro-monogame, que je kiffe et j'approuve. Pour l'équilibre, je recalibre. Ma verve polygame sur le beat de Stouffy the Stouff. Je me répète peut-être, mais je jouis de sa fenêtre. D'un panorama que la mienne n'a pas. C'est jamais mieux ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte. Mais on gagne toujours à sortir un peu de chez soi. M'appliquer pendant près de 3 minutes à ne pas être grosse, ni bite, ni chatte, ni couille, ni turlute. Aïe, c'est pas trop tard, j'peux rien y faire. À mon âge, y'a plus moyen d'enrichir son vocabulaire.